Mupa o mokonzi Kubo kudu kumbano Uye kuba Koleka ah. Gunther, monsieur le maire, Toléka Kwamou. Chris et Bata Benjamin Militoni GG Foulama mon ambaroine Anissé Kouli Jacques Le Breton Yeah.